milliardaire qui est à terre aux quatre coins de la terre. En rose et tu disposes, plaisir fréquent en overdose. Mille pires déroulants, tapis rouge quand tu respires. T'es lentille et t'es fourbe, du meilleur aussi du pire. Tu sens ta s'échapper, et t'aimerais tout effacer. Mais tu ne peux pas oublier, t'es de l'art, t'es lié, âgé, vieux. Et tu t'aimerais tout effacer, mais tu ne peux pas oublier.